Dialogue. Un secret entre deux amis. Écoutez. Est-ce que tu sors ce soir? Oui, je vais danser avec un garçon. Ah, voilà pourquoi tu as acheté une robe. Chut, c'est un secret. D'accord. Mais puis-je savoir le nom de ce garçon? Paul. Est-ce que je l'ai déjà rencontré? Bien sûr, tu le rencontres souvent, c'est le frère de François. Quel François? Le copain de mon frère, un grand garçon brun. Mais personne n'est au courant. Tu peux compter sur moi. Promis? Promis. Répétez. Est-ce que tu sors ce soir? Oui, je vais danser avec un garçon. Ah, voilà pourquoi tu as acheté une robe. Chut, c'est un secret. D'accord. Mais puis-je savoir le nom de ce garçon? Paul. Est-ce que je l'ai déjà rencontré? Bien sûr. Tu le rencontres souvent, c'est le frère de François. Quel François? Le copain de mon frère, un grand garçon brun. Mais personne n'est au courant. Tu peux compter sur moi. Promis? Promis.